en t'entend, et je crois bien que maintenant je suis un peu grise, mais faut pas qu'on le dise, si ma parole est un peu vague, si tout mon chant n'est pas exact, et si mon œil est de brouillard, il va passer vite des cadres. Je suis un peu grise, mais faut pas qu'on le dise, faut pas.